Rindi mezali noma na salela yo bazua na kangandela ya basusu. La beauté y a maranza mais à paradis la perfection. Maman beauté y a zali moisi a pona maote a masi manso a benissa mama y a kobota yo imakile. Yamuzina, Tala est bien à Vancouver. Ima, Ima, Ima, Ima.